si peu de pluie pour faire pleurer la nuit. Il faut tant de caresses, il faut tant de tendresse pour s'aimer longtemps, longtemps. Il faut si peu de vent pour que s'enfuit. Il faut tant de promesses, il faut tant de jeunesse pour s'aimer longtemps, longtemps. Regarde le ciel sans le soleil, il est tout gris. Quand tu n'es pas là, pareil au ciel.